En 1976, Philip Glass a 39 ans. Après avoir composé des pièces hypnotiques et répétitives inspirées de ses voyages en Inde et en Afrique, il vient de créer Einstein on the Beach avec Bob Wilson au Festival d'Avignon et attire vers lui le regard d'amateurs et de professionnels du monde entier. C'est le compositeur qui naît sur la scène internationale. Mais qu'en est-il de l'interprète? Faut-il être un virtuose de l'interprétation pour devenir un maître de la composition? Restons donc en 1976 et laissons la parole à Pierre Bouteiller qui s'entretient avec Philip Glass sur France Musique. Votre œuvre paraît être une œuvre très personnelle. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez beaucoup de plaisir à jouer. Est-ce que vous pensez que quelqu'un d'autre que vous pourrait jouer sur la même partition? Pour le moment, j'écarte la musique pour jouer moi-même parce que, vous savez, pour gagner ma vie, c'est plus pratique. C'est plus intéressant pour moi jouer moi-même. Votre musique démarre très brutalement. Et puis, s'arrête aussi très très brutalement. En fait, on a l'impression qu'il n'y a ni de début, ni de fin. C'est simplement une grande ligne. C'est mon impression aussi. Et je crois que c'est à sortir très bien avec la vie. C'est-à-dire bon, la vie, la vie commence comme ça, la vie fin comme ça. Bonjour Vanessa Wagner. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Merci. Vous êtes pianiste, vous avez sorti la semaine dernière un album Study of the Invisible sous le label In Fine dans lequel vous proposez deux études de Philip Glass. Ouais. Vous venez de l'entendre donc au micro de Pierre Bouteiller. Vous le croyez quand il dit qu'il préfère jouer ses morceaux lui-même pour gagner sa vie? Ouais, je peux assez bien croire ça parce que quand on lit ses mémoires, il a un côté comme ça où il dit très spontanément, il raconte toute sa vie avant d'être connu, où il a été chauffeur de taxi dans New York pendant des nuits entières. Il a travaillé dans une usine à clous. Il a été assistant de Richard Serra, mais vraiment pour gagner sa vie, quoi. Et quand il a monté son ensemble, il envoyait des lettres à toutes les petites structures culturelles en se disant, bon, bah, comme ça, si on va jouer là-bas, même s'il nous donne pas de cachet, ça nous payera notre voyage. Enfin, c'était vraiment les années 70, un peu la bohème, quoi. Donc, il n'y a pas de raison qu'il soit en train de cabotiner, c'est ça que vous dites? Ouais, je pense pas. Il a vraiment connu, avant le succès, il a passé des années et des années, vraiment, et puis il a voyagé en Inde, enfin, c'était pas le star system du tout. Donc oui, je crois volontiers ça. Peut-être avec un brin d'élégance maintenant dû à son statut. Mais sûrement quand il a commencé, c'était ça. Et d'ailleurs, un point de vue très personnel, et Dieu sait que je vénère Philip Glass, mais est-ce qu'il est le plus grand interprète de sa musique? Ah bah, c'est la question qu'on va se poser ce matin, puisqu'on parle de l'interprétation de Philip Glass aujourd'hui, par vous, par d'autres. Ouais. Vous pensez que Philip Glass n'est pas le meilleur interprète de sa propre musique, c'est ça? Oui, à titre personnel, c'est pas... autant j'aime infiniment et de plus en plus sa musique, que je trouve complètement magique, autant quand il la joue, on sent... alors c'est en même temps, c'est ce qui fait le charme de ses interprétations, déjà d'entendre un compositeur que quand on a les vieilles bandes de certains impressionnistes qui jouent leur propre musique, c'est toujours, même quand c'est pas eux qui sont les plus grands interprètes, c'est toujours extrêmement émouvant. Donc c'est une sorte de témoignage. Après, il était pas pianiste, il a pas passé sa vie à faire du piano, et donc Et il a étudié la composition à la Juilliard School. Bien sûr, ouais. Il a étudié la composition et puis il était flûtiste et le piano est venu comme ça parce que il a étudié plein de choses différentes. Mais on sent dans la technicité, on va dire, même si c'est une musique relativement simple, et on pourra aussi en parler de cette simplicité, on sent quand même quelques limites. Et aujourd'hui, il y a quelques grands interprètes qui s'attellent à défendre ce répertoire, et voilà, c'est encore mieux, je crois. Alors, avant qu'on écoute ensemble certains extraits de sa discographie, vous avez joué Vanessa Wagner, on trouve dans votre discographie du Mozart, Ravel, Dubois, Debussy, Schumann, Mozart. Que vient faire Philip Glass dans cette liste? Alors, j'ai joué effectivement tout ce qu'on appelle le grand répertoire, la musique savante, mais je me suis aussi très tôt intéressée à la musique qu'on appelle la musique contemporaine, c'est-à-dire la musique qui s'écrit aujourd'hui. Mmh. Donc beaucoup par le fait que j'ai un vrai compagnonnage avec le grand Pascal Dussapin qui a écrit pour moi, et puis que j'ai continué à être très impliquée dans la création, parce que je suis assez convaincue et persuadée à la fois intellectuellement mais aussi émotivement qu'un interprète se doit d'aller dans plusieurs formes musicales, et puis qu'il se doit d'être aussi inscrit dans sa temporalité, dans sa modernité. Et donc la musique contemporaine a fait très vite partie de ma vie d'interprète. Enfin, je dis très vite, encore qu'au Conservatoire de Paris, à mon époque, la musique contemporaine était considérée comme un passage un peu obligé, mais le vrai challenge, c'était quand même de jouer les études de Chopin et les sonates de Beethoven, et que après, la musique contemporaine, c'était un peu le truc qu'on nous imposait au concours, mais ça faisait pas envie. Ça faisait pas très envie. Et puis, la musique contemporaine, c'était justement obligatoirement synonyme de dissonance, radicalité, difficultés extrêmes, enfin quelque chose qui allait un peu contre l'interprète, parfois aussi contre l'oreille. Ouais. Et alors voilà, qui était dans... C'est une belle radicalité, mais c'était vraiment les post-années 70, sous l'influence de Boulez, Stockhausen, Xenakis, voilà. Alors que Glass n'incarne pas ça. Ah bah pas du tout. Glass, et c'est pour ça qu'il est tellement décrié. D'ailleurs, il y a une vraie bataille idéologique qui perdure aujourd'hui très fortement. Je m'en rends compte maintenant que je joue la musique des ce qu'on appelle des minimalistes, même si ce terme est un peu réducteur. Mais maintenant que je joue cette musique, je vois à quel point je n'osais pas la jouer avant pour ces raisons-là, et à quel point aujourd'hui encore elle est méprisée, décriée. Parce qu'elle est trop facile. Alors. Je me suis souvent posé la question. Bien sûr, il y a cette idée de c'est facile, donc c'est pas appréciable. L'interprète doit être dans un espèce de challenge, de compétition, de virtuosité, de jouer très fort, de jouer beaucoup de notes, etc. Il y a cette idée-là. Mais il y a aussi, idéologiquement, quelque chose autour de la modernité. Qu'est-ce que c'est la modernité? Qu'est-ce que c'est l'avant-garde? Qu'est-ce que c'est la radicalité? Ouais. Et le fait que Philip Glass et toute cette école, Steve Reich, Adams, ont renoué avec une certaine forme de tonalité, modalité, fait qu'il y en a certains pour qui c'est une, je pense, presque une trahison. Et puis aussi, le fait que cette musique contemporaine et abolit les frontières entre ce que c'est que la musique populaire et la musique savante. Glass, il a été un des premiers à aller voir Ravi Shankar en Inde, à faire de la musique de film, à collaborer avec Sting, avec Björk. Enfin, il a éclaté des frontières qui étaient hyper gardées, quoi, par l'intelligentsia, par c'est les gardiens du temple. Il faut que ce soit, si c'est moderne, il faut que ce soit incompréhensible par certains. Et voilà. Et Glass et les autres, ils ont explosé ça. Ce que moi, je trouve absolument merveilleux. Et puis d'ailleurs, encore une fois, quand on lit ses mémoires, on se rend compte de la profusion d'artistes qu'il a rencontrés, ouais. Comment son monde et sa création a été infusée par le théâtre, par Beckett, par Serra, par Merce Cunningham. Enfin, c'est totalement passionnant, quoi. Et quand je vois aujourd'hui à quel point d'un revers de main, certains de mes confrères, certains de mes collègues ou certains critiques musicaux balayent cette musique. Rien que pour ce monument de l'histoire de la musique qu'il représente, ça me fait mal. Donc c'est quoi? C'est du snobisme? Parce que c'est pas juste une question de goût. Non, je dirais pas. Non, c'est vraiment idéologique. Je pense que c'est vraiment comment maintenir un. Je sais pas exactement d'où ça vient, maintenir une distance peut-être, et puis ce rapport à la simplicité que vous évoquiez. Ouais. J'ai enregistré il y a 2-3 ans un disque de la musique de Liszt, les harmonies poétiques et religieuses que j'avais couplées avec la musique mystique et ô combien merveilleuse de Arvo Pärt. Et évidemment, avec des moyens totalement différents, c'est-à-dire que Liszt, il représente l'immense virtuosité, le pianiste qui n'avait plus aucune limite, même si la musique de la fin, il est allé vers une ascète et une simplicité très étonnante. Et donc j'avais relié les harmonies poétiques et religieuses à la musique très spirituelle et très aussi religieuse de Arvo Pärt. Et en fait, ce couplage a été très mal compris finalement, parce que justement, les gens qui adorent la musique de Liszt sont rarement intéressés par la simplicité et le mystère spirituel de Arvo Pärt. Et la musique d'Arvo Pärt a la même, on lui fait le même reproche, c'est-à-dire d'avoir quelques notes que moi je trouve immensément magique, mais voilà, c'est pas très difficile, c'est pas virtuose. Et j'ai été frappée par une anecdote au sujet de Pollock, par exemple, qui est raconté dans ses mémoires, où il dit voilà qu'il a été fasciné en allant voir les premières œuvres de Pollock, où donc il avait cette nouvelle technique de jeter des pots de peinture sur une immense toile, et un critique d'art était allé dans un zoo et avait donné un pot de peinture à un chimpanzé qui avait fait à peu près la même chose. Et donc ce critique avait dit, ah mais vous voyez, finalement Jackson Pollock, quelle arnaque, même un chimpanzé est capable de faire pareil. Et finalement, on fait un peu le même procès à ces gens-là qui ont radicalement inventé et changé l'écriture musicale, qui ont vraiment fait vriller quelque chose et qui ont 30 ou 40 ans avant le courant actuel ouvert des portes, et on leur fait cette espèce de procès un petit peu inepte de « Ah bah oui, mais finalement, une toile avec... » comme on pourrait faire à Miro aussi, une toile bleue avec une ligne noire, finalement, tout le monde peut le faire. C'est toujours le problème de l'avant-garde, ouais. Exactement. In the first years when I was playing this music, au début, quand je jouais, you have to remember that the music was, il faut se souvenir que c'était une musique révolutionnaire pour son époque. People didn't accept it at all. Les gens ne l'acceptaient pas. Et ils considéraient des compositeurs comme moi, comme Meredith Monk, Reich, Gibson, and Niblock, there are many, Gibson et d'autres encore. They thought we were kind of idiot savants, ils nous regardaient comme des singes savants, des sortes de primitifs, car ils ignoraient la rigueur de notre système musical. Alors Vanessa Wagner, on va essayer de décrire ensemble ce que l'on vient d'entendre. Donc là, un extrait du Tyrol Concerto dans Glass Forms. C'est un concerto pour piano composé en 2000. Les auditeurs les plus avertis auront reconnu quelque chose qui ressemble au thème du film The Truman Show. Vous nous direz pourquoi dans un instant. Avec mes mots de novice, pas du tout interprète. Moi, ce que j'entends, c'est une forme. Effectivement, il y a de la simplicité, il y a une retenue. C'est presque sur un fil, comme ça, et il y a un certain rythme plutôt lent qui s'installe, avec quelques éclats électro qui viennent casser le piano tout nu qu'on entend. Oui, alors il faut juste préciser que là, le titre qu'on a entendu, c'est juste le thème de ce second mouvement du Tyrol Concerto, qui, à mon sens, est un des chefs-d'œuvre de Glass. Et j'ai choisi cet extrait parce que le Tyrol, le second mouvement, rien que le second mouvement, dure 18 minutes. Voilà, alors là, c'est 2 minutes 12, donc c'est gentil. Mais ce thème est vraiment tellement comme vous disiez, à la fois tellement simple et tellement beau et qui frappe au cœur, que j'avais voilà, envie de ça, aussi pour montrer que Glass, ayant été si important dans l'histoire de la musique, il a aussi considérablement été une source d'inspiration pour tout le milieu de la musique électronique qui se sont appropriés son œuvre. Et lui, il a laissé faire, ce qui n'est pas le cas de certains autres compositeurs qui sont très très réfractaires à l'idée qu'on puisse toucher leur musique. Et ça, pour Philip Glass, c'est plutôt assez, assez simple. Mm-hmm. Et juste ce thème, alors, dans sa version originale, donc piano et orchestre à cordes, en fait, l'orchestre commence avec quelques 3 pour 2, ce qu'on appelle des triolets mêlés à des croches, ce qui est vraiment un des signes du langage musical de Philip Glass, qui adore ce 3 pour 2 ou ce 5 à l'intérieur d'une même mesure. Et ensuite, le piano rentre de façon extrêmement sobre avec juste ce thème miraculeux. Et pendant 18 minutes, il y a ce thème qui revient avec une sorte d'addition de structure. D'ailleurs, son langage, plus que répétitif, il est additionnel, je dirais. Et quelle en différence fait, bah, c'est-à-dire que ce n'est pas... bien sûr que ça se répète et qu'il y a une sorte de grande radicalité dans cette répétition incessante et parfois qui va jusqu'à... On se dit, mais quand est-ce que ça va ? Et en fait, c'est comme une espèce de tapis qui prépare l'auditeur à un changement qui brusquement va nous balayer une émotion. Et en fait, en additionnant des tout petits changements infimes, comme dans le raga indien finalement, c'est vraiment très très, la structure est très similaire. Et en fait, ça crée comme une espèce de kaléidoscope très lent qui d'un coup déforme et vient changer un petit peu à la fois la forme, et en s'additionnant ça fait que tout d'un coup on se prend une vague d'émotions, ce qui est le cas dans ces 18 minutes de Tyrol Concerto, où tout d'un coup à la fin on est vraiment, alors ça se termine en redescente, mais il y a toute les trois quarts du mouvement où on est vraiment submergé d'émotions. Je l'ai joué là en janvier, et un peu comme à chaque fois que je joue du Philip Glass, mais là c'était avec un orchestre, j'ai vu qu'il y avait dans l'orchestre quelques goguenards, en genre on va faire des tierces mineures pendant 18 minutes et c'est très très facile. Et en fait, d'abord c'est pas du tout très facile à jouer, notamment pour les cordes, parce qu'il faut une justesse d'interprétation, justesse je veux dire au sens... il faut jouer juste, quoi. Et en fait, on est submergé. Et je jouais un concerto de Bach et un concerto de Glass dans le même concert, et il y avait pas mal de gens qui connaissaient pas la musique de Glass et qui étaient vraiment très simplement et très très ouvertement vraiment très très très émus. Mais alors, comment vous, en tant qu'interprète, vous composez avec cette émotion ? Déjà, est-elle la même lorsque vous jouez et lorsque vous écoutez ? Et dans quelle mesure est-ce que la technique dont vous devez faire preuve en tant qu'interprète ne supplante pas l'émotion qui émane de la musique ? Alors, en fait, l'émotion, elle vient de cette espèce de crescendo, d'addition, de kaléidoscope dont je parlais. Et il faut très très bien la gérer en tant qu'interprète. C'est-à-dire qu'il faut toujours rester, par exemple, ce 3 pour 2 dont je parlais. Alors, redites-nous ce que c'est le 3 pour 2. C'est par exemple, vous jouez un triolet à la main gauche, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, et des croches au-dessus, ta-pa-pa-pa-pa. Donc ça donne une espèce de rythme un peu chaloupé, très caractéristique de sa musique, et qu'il faut une certaine forme de perfection rythmique, et aussi il faut pas qu'il y ait une note plus haute que l'autre, il faut que ça soit vraiment très très très contrôlé. Et c'est en ça aussi que l'interprétation, je pense, au fil des années de sa musique a changé, parce que il y avait un côté un petit peu plus percussif dans les interprétations qu'on entend des années 70-80, avec un son un petit peu dur. Et aujourd'hui, il y a les interprètes qui s'emparent de sa musique, font, je pense, plus attention à enrober les choses dans un beau son, dans une vraie attention à ce côté très, presque comme des diamants de rester vraiment sans aucune bosselure, je dirais. Je sais pas si c'est très français. Si, ben on voit l'image. Mais qu'est-ce que ça change pour vous en tant qu'interprète quand vous jouez du Glass? Qu'est-ce que vous trouvez ou qu'est-ce que vous devez faire que vous ne faites pas quand vous jouez autre chose? Quelle est la spécificité de la musique de Glass en tant qu'interprète? Eh ben, l'erreur que j'ai faite au début quand j'interprétais Glass, c'était de surinterpréter. C'est-à-dire d'essayer de trouver des petites choses pour pas que ça soit ennuyeux, ou trouver des choses pour pas que la répétition soit répétitive, par exemple. Et ça, c'est mes premières interprétations quand je les réécoute. Aujourd'hui, je me dis, ah, mais je faisais trop de choses. Je faisais trop de, tiens, là, je vais faire un petit effet, je vais monter, je vais faire une nuance là, ou je vais essayer de trouver une autre, je sais pas, je vais faire des petites ponctuations, des machins comme ça. Et en fait, il faut assumer complètement de rester stagnant presque, et de faire monter l'émotion par autre chose, par un détail qui va arriver, par un changement harmonique qui tout d'un coup nous chope comme ça, parce que au bout de plusieurs lignes d'une même répétition, paf, il va engranger sur autre chose, comme un gond de porte qui va finalement un peu dévier. Et en fait, il faut plonger dans une espèce de... J'aime pas énormément le mot transe que auquel on pense. Mais en même temps, il y a quelque chose de beaucoup plus contemplatif et à la fois de plus structuré dans la musique de Glass. On n'est pas dans cette espèce de truc un peu new age, quoi. On n'est pas du tout là-dedans. Ouais, mais ce que vous dites, c'est qu'au fond, rien n'est plus difficile que de faire simple. Ah ben ça, j'en suis convaincue. Alors... Il y a évidemment ceux qui vont me répondre que oui, jouer Gaspard de la Nuit, c'est hyper difficile, et jouer les études transcendantes, il y a cette virtuosité à laquelle on peut absolument pas enlever l'immense difficulté, l'immense travail qu'il y a derrière. Après, je me suis fait aussi souvent cette réflexion, c'est que je n'aurais pas pu jouer la musique de Glass ou la musique de Arvo Pärt ou la musique de Cage quand j'étais plus jeune. Parce que justement, quand j'étais plus jeune, j'étais bouillonnante. Pas que je le sois plus maintenant, mais j'étais dans cette espèce d'envie de prouver, j'avais besoin de plein de notes à ma disposition pour éprouver toute cette émotion, toute cette passion, toute cette virtuosité, etc. Et que finalement, j'étais incapable de la comprendre, cette musique vraiment dépouillée, vraiment radicale. Et d'ailleurs, petite anecdote, j'ai joué une pièce de Pärt avec un très très grand violoniste qui est merveilleux, très grand interprète, et qui, devant les quelques notes de Pärt, était totalement démuni, en fait. Et ça lui enlève rien de son immense talent pour tout le grand répertoire. Mais effectivement, on n'accède pas, soit parce qu'on n'a pas envie, soit parce qu'on n'est pas fait pour ça, et c'est pas du tout un jugement de valeur, c'est juste qu'il y a des interprètes et peut-être des auditeurs qui ne peuvent ou ne veulent pas accéder à cette forme de dépouillement, de simplicité et de d'émotion, finalement, qu'il faut être en état de l'accepter. De la recevoir et de la donner, sans doute. Exactement. Alors, on disait que Philippe Glass, on l'a entendu en début d'émission, lui-même disait qu'il tenait à jouer ses propres pièces, notamment pour gagner sa vie. Il disait que c'était peut-être pas forcément le meilleur interprète de son propre travail. Glass a composé, il a écrit des études pour parfaire sa propre technique de piano. Vous en avez interprété quelques-unes sur votre album qui est sorti la semaine dernière, Vanessa Wagner. Écoutons l'étude numéro 6. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de Philippe Glass cette semaine, aujourd'hui en compagnie de la pianiste Vanessa Wagner, dont nous sommes en train d'écouter un extrait de l'album Study of the Invisible, l'étude numéro 6 de Philip Glass. On vous entend donc interpréter cette étude écrite par Philip Glass, qui a vraiment pour but explicite d'apprendre à mieux jouer du piano, c'est ça? Mais ça a fait le même effet sur vous? Là aussi, j'ai trouvé ça très mignon. J'avais entendu ce témoignage où il disait, voilà, j'ai écrit des études parce qu'il fallait que je travaille un peu tous les jours. Et donc, j'en ai écrit 20. Donc, il les a écrits en deux volumes et en deux périodes assez distinctes. Et il a souhaité les publier pour en faire bénéficier tout le monde, en fait. C'est ça qui est marrant. Après, je pense qu'il lui a pas échappé qu'il y a une grande tradition d'études pour piano, notamment au XXe siècle. Il cite d'ailleurs les études de Debussy ou de Ligeti qui sont des chefs-d'œuvre. D'ailleurs, moi, je ferai l'année prochaine un programme autour des grandes études du XXe siècle. Et il y aura, ça va faire hurler certains, mais il y aura les études de Philip Glass, bien sûr, dans ce panel. Et pour moi, c'est un peu le chef-d'œuvre pour piano de Glass. Il y a vraiment des merveilles dans ses études, notamment cette sixième étude. Là, c'est pareil, quand on a des espèces de poncifs sur la musique de Glass, que c'est tout le temps la même chose, que c'est sous Tranxène, que c'est minimaliste répétitif. Enfin, cette étude, par exemple, elle est totalement frémissante, quoi. Elle bouillonne de l'intérieur. Elle est d'ailleurs très compliqué à jouer parce que tout est dans le super contrôle. Quand je disais tout à l'heure les notes qui doivent toutes être au même niveau, ouais. C'est un contrôle du clavier qui est quand même vraiment difficile à trouver dans un tempo assez rapide. Et puis cette explosion avec les accords au milieu qui revient sans cesse. Enfin, il y a une espèce de fatigue de l'interprète parce que c'est assez, encore une fois, tout doit être extrêmement contrôlé. Et voilà, moi je prends énormément de plaisir à jouer ces études qui sont, il y a à la fois de la technique de piano, il y a de la technique de composition, c'est presque des pièces de théâtre chacune en soi. On sait à quel point Glass a été influencé par le récit théâtral. Et là, vraiment, chaque étude est un récit. Et là, on entend ce que disait Glass un tout début d'émission au micro de Pierre Bouteiller. Il disait, mais oui, effectivement, ma musique peut s'arrêter brutalement, comme la vie. Comme la vie, c'est ça. Et là, on est en l'air, en fait. Complètement. C'est très étrange comment ça se termine. Et il y a pas mal de ses œuvres qui se terminent comme ça. Alors moi, je trouve qu'on rentre dedans toujours de façon très, très douce et très profonde. Mais par contre, effectivement, les fins, à chaque fois que je la joue, je suis un peu comme en suspension, un peu démuni. Et en même temps, c'est ça qui est beau, c'est comme une respiration qui s'arrête en hauteur. Est-ce que vous avez des images particulières en tête quand vous jouez du Philip Glass? Comment est-ce que vous ajustez justement votre corps à la musique? Vous devez vous comparer au métier d'acteur, c'est ça? Il y a quelque chose, vous rentrez dans un rôle? Non, pas vraiment. Je rentre, des images, j'en ai peut-être constamment, mais pas vraiment. C'est plus du domaine du songe, quoi. C'est pas des images, c'est pas, je vois pas un tableau sur tacta, enfin, c'est pas aussi collé que ça, ouais. Quoi. C'est plus des espèces d'impressions, des choses intimes, des choses ressenties, des souffles, des pensées, des émotions. Mais, comme je disais tout à l'heure, il faut, c'est un peu le complexe du comédien là aussi, c'est-à-dire qu'il faut rester toujours en contrôle parce qu'il faut avant tout l'émotion, elle va sortir d'une certaine forme de perfection, à la fois de la beauté sonore, de la perfection de la réalisation, et puis du juste tempo aussi. Ça, c'est très compliqué parce que chez Glass, d'ailleurs, on le voit quand on écoute plusieurs interprétations différentes, il y a une possibilité de tempi qui est très très variable, et en fait trouver le juste point est pas forcément évident. Ça m'est arrivé aussi de jouer un peu trop agité, par exemple. C'est ouais. trop, justement, trop passionné, trop. Et ça, c'est une erreur. Enfin, c'est un pas de côté, quoi. Alors, à titre de comparaison, pour essayer de mieux cerner la spécificité de la musique et de l'interprétation de Philip Glass, écoutez ceci. Jean-Sébastien Bach a lui aussi proposé des études justement de piano pour perfectionner la technique des interprètes. Ici, vous venez d'entendre la première invention de Bach interprétée par Glenn Gould. Est-ce qu'on est dans quelque chose de similaire en termes d'interprétation, en termes de travail, en termes d'ambiance, quelque chose d'un rythme qui peut être répétitif, qui fonctionne aussi par couches successives, même si les morceaux sont plus courts? Il y a des ramifications à faire, alors qui feraient hurler, je pense, quelques-uns, mais en tout cas, j'ai pas encore réussi à trouver exactement où sont les points communs exacts entre la musique de Bach et la musique de Glass. Mais vous êtes d'accord qu'il y en a? Il y en a une. Enfin, c'était intuitif. Il y a une connexion évidente. Ben d'ailleurs, je fais des concerts Bach et Philip Glass parce que ça m'est. Il y a des enregistrements d'ailleurs de concertos qui relient les deux. Il y a quelque chose à la fois. Pourtant, Glass n'est pas du tout contrapuntique, mais il y a des connexions dans cette radicalité, dans cette espèce de aussi de perfection que doit avoir l'interprète, parce que dans l'un comme dans l'autre, on supporte assez mal la scorie. Chez Bach et chez Glass. Oui, chez Bach et chez Glass. Bah, chez personne, si. Oh, c'est, bah, beaucoup plus dans les grands romantiques, par exemple, où c'est beaucoup plus caché. Là, il y a un côté, il y a une pureté de composition dans les harmonies, dans les l'entremêlement des voix, qui fait que ce terme peut-être pureté que j'adore pas parce que il peut être galvaudé, mais il y a quelque un chose. Dépouillement. Oui, aussi. Mmh. Alors il y a une inventivité de contrapuntique des lignes musicale chez Bach. Qu'est-ce que ça veut dire contrapuntique? Ben, c'est les voix qui se croisent. C'est le contrepoint. C'est la fugue, par exemple. C'est comment chaque voix va s'intercaler, se superposer les unes par rapport aux autres. Ce qui n'est pas le cas chez Glass, parce que de toute façon, chez Glass, le principe de composition est très différent. Mmh. Là, on a entendu le Tyrol Concerto. Il y a un thème, mais il y a des fois dans la musique de Glass, il y a carrément pas de thème. C'est des bruissements harmoniques, des glissements harmoniques, mais c'est cette structure de la répétition dont je parlais, c'est le fondement de sa composition. Donc on est loin de Bach dans la forme, évidemment, mais il y a quelque chose, en tout cas chez l'interprète, qui se rallie, ouais. Et on vient d'entendre, c'était Glenn Gould qui interprétait. Glenn Gould, qui est un interprète à qui on a pu reprocher, en tout cas reconnaître le fait que c'était comme si lui-même recréait en fait ce qu'il était en train de jouer, tellement son jeu prenait de la place. Et comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que l'interprète est au service de la composition, ou est-ce que en interprétant, il recréait toujours à sa manière la musique qu'il joue? Oui, je pense qu'on le rôle de l'interprète. Je me suis beaucoup posé la question sur ce rôle-là, parce qu'on on me pose très souvent maintenant que je joue les minimalistes et qu'il y a plein de sous ou post Philip Glass qui essaye de faire pareil, en se disant tiens, bah en fait des tierces mineures, ça va être facile à imiter. C'est la marque de fabrique de Glass, c'est la ouais, tierce mineure, c'est ça. Mmh. La répétition de la tierce mineure, et moi on me dit ah mais pourquoi tu composes pas, t'as pas envie, c'est quand même, ça te manque pas, parce que franchement interpréter, mais en fait moi interpréter, je trouve que c'est absolument merveilleux comme rôle. C'est-à-dire que déjà c'est par l'interprète que la musique prend vie, donc on est quand même le maillon essentiel. Et toutes les œuvres, surtout quand on est pianiste, toutes les œuvres qu'on a à notre disposition, elles nous nourrissent tellement, elles nous donnent tellement. Ouais. on leur donne en retour. Alors on leur donne, parfois certains leur marchent un peu dessus, vous avez raison, quand là, il y a des interprètes qui s'aiment tellement, qui se font calife à la place du calife. Bah, on écoute Gould autant que Bach, souvent. Quand on met Gould, oui, qui joue les variations Goldberg, on écoute Gould. On écoute Gould parce que Gould, ça a été un interprète complètement dévoué à la musique, quasiment intégralement à la musique de Bach. Il y a passé sa vie entière, qu'il a refusé d'aller faire des concerts parce que justement il n'atteignait pas la perfection qu'il voulait atteindre. Donc il s'est mis dans un studio d'enregistrement uniquement. Et il est tout à fait particulier. Il impose bien sûr sa marque de fabrique, mais il ne trahit pas cette musique. Il ne la travestit pas. Parfois, certains interprètes peuvent être tentés de faire un peu. En prenant des cours avec Leon Fleischer, qui est un immense pédagogue et pianiste américain, il nous disait souvent ça. Il nous disait vous n'êtes pas Beethoven. Vous êtes au service de sa musique. Vous devez comprendre sa musique dans l'histoire de la musique. Part aussi toutes les indications, et Dieu sait qu'ils nous en fournissent, même quand c'est sur des partitions très anciennes, on a quand même beaucoup d'indications, ne serait-ce qu'aussi, surtout à l'époque classique romantique, il y avait des codes de composition qui étaient dans la sonate classique, il y avait des codes harmoniques, il y a des traités entiers qui parlent de ça, donc on ne peut pas faire des accents sur des désinences, etc., etc. Il y a tout un principe comme ça. À la fois, c'est cette frontière qui est assez magnifique dans le rôle de l'interprète, c'est-à-dire comment être sur le fil de je mets de moi et de mes émotions et de mon intimité et de ma personnalité dans une œuvre qui ne m'appartient pas, mais que je vais essayer de retranscrire sans la trahir. Enfin, c'est cette espèce de très fragile frontière qu'il faut aussi en concert, parfois selon l'état dans lequel on est. C'est pour ça aussi que les concerts, c'est tellement un moment de grâce. C'est-à-dire que il y a un moment, ça va fonctionner très bien entre le, il y aura l'osmose entre l'interprète, l'œuvre qu'il joue ce soir-là, la salle, l'acoustique, le public. Puis il y a des fois, ça va passer à côté. Mais c'est aussi la fragilité de la vie et de l'instant. Cocteau nous montre que ceux qui cherchent la transformation se mettent en danger quand c'est sur eux-mêmes qu'ils emploient leur énergie. Bien que l'artiste doive tout risquer au jeu de la transformation intérieure et extérieure, cette interaction avec le monde ordinaire peut être décisive et dangereuse, comme dans Les Enfants Terribles. Je pense que Cocteau, dans ses films, a exposé des idées très profondes sur l'artiste et son œuvre. Et nous commençons seulement à les comprendre. La Belle est sur les qualités que l'artiste a besoin. La Belle et la Bête reflètent les qualités nécessaires à un artiste. Le cheval représente sa détermination, le miroir, son chemin, la rose, sa quête de la beauté, la clé, sa technique, et le gant, sa noblesse. Cocteau a inventé cette formule, et il est clair qu'un artiste doit posséder toutes ces qualités. N'ouvrez pas la bouche, Gérard, vous diriez des bêtises. J'ai une nouvelle extraordinaire à vous apprendre. Tenez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Paul est somnambule. Oh! Évidemment, vous allez le crier sur les toits. Il a marché sur les toits? Seriez-vous sourd? Thank you. le sujet de l'œuvre de Cocteau est la créativité. Il avait lui-même la volonté de transcender le monde ordinaire et d'atteindre l'immortalité par son travail. Il avait fait le pari de renoncer à la vie bourgeoise pour vivre une vie d'artiste. Ces deux réalités, le monde ordinaire et le monde que l'artiste crée ou dont il puise ses œuvres, forcent l'artiste à évoluer en même temps dans deux mondes différents. Le somnambuliste, c'est la scène 6 des Enfants Terribles, inspirée du roman de Cocteau, du film de Jean-Pierre Melville. Ici, c'est donc l'opéra de Philippe Glass, qui fait partie de la trilogie en hommage à Cocteau, après Orphée, la Belle et la Bête. Les pianistes qui interprètent ici cette pièce s'appellent Katia et Marielle Labeck. L'opéra est composé en 96, vous avez toutes les informations. Et j'ai lu un extrait du texte que Glass a écrit sur Cocteau, dans Paroles sans musique, hein, son ouvrage justement. Et on entend ici ce que Glass a pu puiser chez Cocteau, cette importance de la pluralité des mondes, au fond. Oui, c'est un extrait magique. C'est là, on entend ce dont je parlais tout à l'heure, les enchaînements harmoniques, cette dimension que j'arrive pas encore complètement à comprendre, mais de magie dans sa musique, dans cet enchevêtrement de notes comme ça, si subtil. Et puis ce qu'il disait sur le rôle de l'interprète, c'était pas prévu, mais c'était parfaitement enchaîné avec ce que j'avais dit. C'était très très beau ce qu'il a dit, vraiment, sur les symboles de Cocteau avec ce que doit receler l'intériorité d'un artiste. Cocteau nous montre que ceux qui cherchent la transformation se mettent en danger quand c'est sur eux-mêmes qu'ils emploient leur énergie. Absolument. C'est proche du complexe du comédien, de cette espèce de double jeu, de double rôle qu'on doit toujours avoir sur scène, c'est-à-dire ne pas être les principaux acteurs de l'émotion et d'être à la fois le moteur, mais de toujours garder une sorte de distance par rapport à ça, parce que sinon on se perd, on se noie, et puis on n'arrive plus à contrôler ce qu'il faut contrôler sur scène et ce qu'il faut contrôler aussi émotionnellement. Ouais. Et on entend là, avec cet extrait de l'opéra inspiré de Cocteau, la diversité des sources d'inspiration de Glass, au fond, que ce soit la science, la littérature, absolument, le cinéma. Absolument. Je parlais de monde possible, de monde pluriel, c'est vraiment ça qu'il recrée. Et l'art plastique aussi, les peintres, il a été vraiment fasciné par Roscoe, par Pollock, le monde de la danse. Il se dit d'ailleurs compositeur théâtral quasiment, ouais. Et puis son rapport à Beckett aussi, très très très important. Cage et Beckett ont été pour lui vraiment, d'ailleurs il dit un moment, il dit qu'il a quasiment pas eu besoin de faire de révolution parce que Beckett et Cage avaient déjà renversé toutes les tables et que lui finalement avec Reich, avec Monk, ils se sont engouffrés dans cette brèche déjà ouverte. Mais qu'est-ce qu'il puise selon vous chez Beckett? Je pense, je ne sais pas, peut-être justement d'avoir complètement éclaté les formes, d'avoir complètement inventé un nouveau langage. Et on peut dire beaucoup de choses, on peut idéologiquement ou émotionnellement ne pas aimer la musique de Glass, mais Dieu sait que c'est vraiment un vrai nouveau langage qui a ouvert une voie immense dans l'histoire de la musique. Il n'y a rien qui ressemblait à ce qu'il fait avant lui? Non. Non. Je crois pas. Non, non, non. Enfin, il y avait, au même moment, il y a eu Reich qui utilisait le la technique du déphasage, piano phase ou violin phase. Et lui, comme le principe physique, il prenait un élément qui déphasait de façon très, très, très, très subtile pendant des pages et des pages et des pages, ce qui faisait qu'après, ça faisait, c'était complètement distordu, déformé. Voilà. Mais non, Glass, j'ai l'impression que il a vraiment, dans l'histoire de la musique, c'est je vais faire peut-être hurler certains, mais c'est peut-être quasiment aussi important que le sérialisme. C'est vraiment une révolution musicale. Qu'il n'a pas été le seul à emprunter, mais en tout cas, il est un des piliers de ce tournant. Sachant que là, on entend un Glass très mélodieux, ce qui n'a pas toujours été le cas. Oui, il a aussi proposé des musiques. Parce qu'il a été aussi très influencé par Stravinsky, par exemple, ou par Stockhausen. Enfin, c'est un homme d'une immense culture. Puis Ravi Shankar. Ravi Shankar, bien entendu, tout le bouddhisme, parce qu'on parlait des arts, mais il y a aussi la façon dont il a vécu. Il a fait énormément de yoga, de méditation. Il a lu la philosophie indienne. Il a lu c'était vraiment des histoires à part entière. C'est fou, ces vies. Alors, il nous reste quelques minutes pour entendre un dernier extrait, Vanessa Wagner. Enfin, je vous laissais choisir parce que vous avez fait deux autres suggestions. On peut soit entendre un extrait de l'opening de Glassworks, interprété par Víkingur Ólafsson, ou alors un extrait de Four Movements for Two Pianos, le troisième mouvement dans This is America. Oh là, non, choisissez à ma place parce que... Ah bon? Oui. Alors dans ce cas, je choisirais l'opening de Glassworks pour une raison simple, c'est que c'est un morceau que l'on a envie de qualifier de très sentimental. On va l'écouter et peut-être vous pourrez nous dire quel est le secret, est-ce que c'est cette fameuse tierce mineure? Qu'est-ce qui dans la musique de Glass fait que ça peut toucher immédiatement le cœur, pour le pire ou pour le meilleur? On en parlait au bureau, il y a des personnes que ça touche pas du tout, qui trouvent ça trop kitsch et d'autres à qui ça donne envie de pleurer immédiatement. On écoute. Vous parliez de magie, Vanessa Wagner. Quand on écoute ce morceau, en plus dans le studio où nous sommes, on a vu sur Paris, sur la Tour Eiffel, on a l'impression que ce morceau a été créé comme une bande originale de notre propre vie. Il y a quelque chose d'immédiatement cinématographique. Ah, tout à fait. Très visuel et puis dans une espèce d'un voyage. Et aussi ce rapport au temps que je trouve très beau, très étiré comme ça, à la fois... immobile et frémissant, enfin c'est quelque chose de très étonnant et moi c'est une musique que j'écoute énormément quand je voyage effectivement dans le train, c'est juste magique, mais aussi juste dans un voyage immobile dans une salle de concert bien entendu ou sur un canapé. Moi j'ai entendu Víkingur Ólafsson jouer ça ici même à l'auditorium de la radio et c'était c'était vraiment l'auditorium entier était complètement suspendu. Enfin, c'est pour ça que quand j'entends des moqueries, des trucs un peu à l'emporte-pièce comme ça. Je pense que c'est vraiment juste des gens qui se coupent eux-mêmes par idéologie de cette puissance émotionnelle qu'apporte cette musique. Et il y a un mystère dans ah voilà, que... pour vous c'est un mystère. Ah oui. Parce que là on est en 82, ça marque vraiment un tournant dans le travail de Glass. Il y a la tendance, disons, plus sentimentale qui commence. Alors, et en même temps, j'ai choisi j'aime beaucoup la façon dont il joue ça, parce qu'il le joue de façon très dépouillée. Et finalement, il met pas beaucoup de pédales. On entend très, très clairement toutes les notes. Ah oui, mais ça va droit au cœur. Voilà, c'est pas du Rachmaninoff, sentiment, il est là. Enfin, je veux ça, dire... c'est sûr. Mais j'aime bien cette interprétation vraiment extrêmement sobre et en même temps très, très rigoureuse qu'il a. Je trouve ça très beau parce que des fois, on entend des prises de son qui sont un peu trop, trop présentes, avec trop de pédales, avec trop de fouillis, quoi. Là, on entendait du Bach tout à l'heure. Voilà, il y a quelque chose là où on peut se dire, tiens, il y a une ramification possible dans cette espèce de pureté de précision. Et donc, est-ce qu'il y a des accords particuliers qui créent ce sentiment-là? C'est pas des accords particuliers, c'est à la fois la répétition, l'addition, la superposition et l'enchaînement harmonique. Par exemple, quand on arrive après plusieurs reprises, parce que c'est le grand truc de Glass, c'est qu'il répète et on re-répète la reprise au bout de 3 fois, 4 fois, et tout d'un coup, il y a un vrai changement harmonique où il va changer complètement de latitude sur le clavier. Et là, ça, encore une fois, ça nous bouleverse. Parce que l'oreille s'est habituée comme ça dans un espèce de voyage hypnotique, un peu immobile, et puis poum, il nous emmène ailleurs. Et cette temporalité, elle n'appartient qu'à lui. Et j'ai pas encore percé ce mystère. Faut peut-être pas le faire, hein. Et ben voilà, j'allais dire, je trouve qu'il faut aussi garder ça et dans cette espèce de simplicité apparente. Il y a toute cette émotion qui se dégage. Voilà, c'est juste très beau. Ouais, on va se quitter avec cette ouverture donc des Glassworks. Merci beaucoup Vanessa Wagner d'être venue nous parler de Philip Glass ce matin. Je rappelle que votre nouvel album sorti la semaine dernière, Study of the Invisible, sous le label Infine, est disponible en ce moment. Et puis on peut aussi citer avec Willem Latchoumia, Adams, Bernstein, Glass, Monk, This is America, sous le label Dolce Vita, paru en 2021. Et puis on mettra votre discographie en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver comme tous les jours la chronique philosophique quotidienne de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Pourquoi y a-t-il une guerre autour du réel? Le réel, Pour nous, êtres humains, c'est en principe ce qui nous met tous d'accord, parce que le réel, c'est tout simplement ce qui nous tombe dessus sans aucune contestation possible, avec tous ses effets. La tuile réelle qui tombe sur mon crâne réel et qui me fait une blessure réelle, comment pourrais-je en douter ? Mais c'est justement cette importance vitale du réel, avec ses effets parfois mortels sur nos vies, c'est justement cette importance du réel qui est aussi la source de la contestation autour du réel, et même de la guerre qui se joue autour du réel, et même du fait que dans chaque guerre, la plus réelle qui soit, il y a aussi une guerre autour du réel. La raison en est très simple, c'est que en dehors de ces irruptions soudaines du réel, qui ont toutes quelque chose d'incontestable, en tout cas pour celui qui reçoit la tuile, ou la balle, ou le dessus, une amie, il y a, au-delà de ces incursions soudaines, une nécessité pour les humains de se prévenir, de se préparer autour du réel, de dépasser l'irruption soudaine de l'événement réel, et même de construire toute notre vie autour de l'appréhension, de la compréhension, de la préparation du réel. Il y a donc un réel pour les humains qui passe par le discours, qui l'anticipe ou qui aussi s'en souvient, qui le reconstruit, qui l'inscrit dans une histoire. Et donc, le réel n'est pas seulement l'irruption soudaine d'un fait, mais il passe par son établissement, par sa démonstration, par sa vérification, par sa narration, par toutes les aventures du discours entre les humains. Les humains se battent autour du réel parce qu'il est objet de discours et parce que revendiquer le réel, c'est aussi agir entre nous, c'est maîtriser nos affects et nos comportements. On comprend alors l'importance de se mettre d'accord sur le réel, d'avoir des cadres scientifiques, théoriques qui nous permettent de relier des hypothèses avec leur vérification dans l'existence, dans l'expérience réelle. Et en cas de contestation, on mesure l'enjeu. C'est pourquoi la maîtrise du discours est pour les humains un enjeu de pouvoir. C'est pourquoi, encore une fois, il faut des cadres pour l'établissement du réel. La définition de la science, les critères de la vérité sont nécessaires et on voit dans tout conflit une prétention à maîtriser le réel, à contester les prétentions des autres discours, à définir le réel. En science même, le réel peut faire l'objet d'un conflit. Il peut y avoir des accusations de fraude scientifique. Et parfois, la science elle-même ne suffit pas, même si elle est nécessaire, si elle seule détient les critères de vérification d'un discours. Parfois, les accusations font que la science elle-même va d'abord pour vérifier la légitimité d'un discours devant les tribunaux. Ainsi, les êtres humains ont construit des cadres théoriques, des cadres juridiques, des cadres pratiques pour se mettre d'accord autour du réel, parce que finalement, ce que les êtres humains savent bien, et tout le vérifie encore aujourd'hui de notre temps informationnel, c'est que la réalité est toujours au bout du compte une irruption soudaine entre la vie et la mort, et c'est pourquoi, au fond, il y a une guerre sur le réel, parce que nous savons bien que les guerres, elles aussi, sont véritablement réels. Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de France Culture ou bien à télécharger, à podcaster à la page Le Pourquoi du Comment. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle avec Jules Barbier, Thaïs Éloi Hammer, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda qui réalise cette série d'émissions. La prise de son aujourd'hui, c'était Olivier Dupré. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour du compositeur Philippe Glass. Demain, nous serons en compagnie de Jacqueline Co pour parler d'Einstein on the Beach. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez aussi la télécharger, la podcaster par la plateforme de votre choix et notamment l'application Radio France qui vous permet d'écouter l'émission en direct et en téléchargement, en réécoute. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.